Chapitre 11. Où l'on juge le valet de cœur accusé d'avoir volé les gâteaux de la reine. Quand Alice et le griffon pénétrèrent dans la salle du tribunal, le roi et la reine de cœur s'y trouvaient déjà, siégeant sur leur trône. Autour de leur majesté se tenait une multitude de petits animaux des plus divers et le paquet de cartes au grand complet. Le valet de cœur était là, chargé de chaînes entre deux soldats. À côté du roi se tenait le lapin blanc, une trompette dans une patte et dans l'autre un grand parchemin roulé. Au beau milieu du tribunal se dressait une table sur laquelle on pouvait voir un plateau couvert de gâteaux. Ces gâteaux étaient si appétissants qu'Alice, rien qu'à les voir, se découvrit une faim terrible. « Je voudrais bien, pensa-t-elle, que le procès fût terminé. On ferait circuler les rafraîchissements. » Mais hélas, le procès en était tout juste à son commencement. Alice n'avait encore jamais pénétré dans un palais de justice, mais elle avait lu des descriptions de tribunaux. Elle fut très fière de pouvoir mettre un nom sur les différents personnages qui se trouvaient là. « Voici le juge, se dit-elle. Je le reconnais à sa grande perruque. » Le juge en la circonstance était le roi. Celui-ci avait placé sa couronne par-dessus sa perruque, et il ne paraissait pas être très à son aise pour remuer la tête. « Et voici sans doute le banc du jury, » continua Alice en regardant une douzaine de petits animaux groupés dans une stalle à la droite du tribunal. « Et ces douze animaux se nomment les jureurs, si je ne me trompe. » Alice était enchantée de sa science. Elle estimait, non sans raison, que toutes les petites filles de son âge n'en auraient pas dit autant. Cependant, jurer aurait fait tout aussi bien que jureur. Les douze jurés écrivaient fiévreusement sur des ardoises. « Qu'est-ce qu'ils font ? » murmura Alice à l'oreille du griffon. « Ils n'ont rien à écrire avant que les dépositions de témoins aient commencé. » « Ils inscrivent leur nom pour ne pas l'oublier, » répondit le griffon. Alice ne put retenir une exclamation. « Quels imbéciles ! » s'écria-t-elle. Le lapin blanc ordonna d'une voix forte « Silence dans l'assemblée !» et le roi mit ses lunettes pour voir qui avait parlé. Alice, en se penchant du côté des jurés, put constater qu'ils étaient tous en train d'écrire sur leur ardoise « Quels imbéciles !» ce qui l'amusa fort. Même l'un d'eux, ne sachant pas l'orthographe du mot « imbécile », fut obligé d'avoir recours à son voisin. « Il y aura un beau gâchis sur ces ardoises à la fin des débats !» se dit Alice. L'un des jurés avait un crayon qui grinçait. Il va sans dire qu'Alice ne put supporter ce petit bruit énervant. Elle passa derrière ce juré, qui se trouvait être justement le lézard Bill, et d'un geste prompt, elle lui enleva son crayon. Bill ne s'aperçut de rien et continua à écrire avec son doigt, quoique son doigt ne laissât plus aucune trace sur l'ardoise. « Greffier, lisez l'acte d'accusation !» commanda le roi. Le lapin blanc poussa trois appels de trompette, puis il déroula le parchemin et lut ce qui suit. « La reine de cœur a fait des gâteaux un beau jour d'été. Le valet de cœur a volé ces gâteaux et a failli les manger. Délibéré !» cria le roi au jury. « Pas encore, pas encore !» dit précipitamment le lapin. « Il y a beaucoup de choses à faire avant de délibérer. »« Eh bien, appelez le premier témoin !» ordonna le roi. Et le lapin blanc fit entendre trois nouveaux appels de trompette et cria d'une voix de plus en plus forte « Premier témoin, comparaissez !» Le premier témoin n'était autre que notre vieille connaissance, le chapelier. Il avança une tasse de thé dans une main et une tartine de beurre dans l'autre. « Je demande pardon à votre majesté d'apporter ceci avec moi, » déclara-t-il. mais je n'avais pas tout à fait fini mon thé quand on est venu me chercher. « Vous auriez dû avoir fini, » dit le roi. « Quand aviez-vous commencé ?» Le chapelier regarda le lièvre de Mars qui l'avait accompagné, ainsi que notre ami le Loir, puis il dit « Le 14 mars, je crois. »« Non, le 15, » dit le lièvre. « Non, le 16, » dit le Loir. « Écrivez, » commanda le roi au jury, qui s'empressa de consigner ces trois dates sur les ardoises, les additionnant et convertissant le total en francs et en centimes. « Ôtez votre chapeau, » dit le roi au chapelier. « Ce chapeau n'est pas à moi, » répondit le chapelier. « Vous l'avez donc volé ? » s'écria le roi. Le jury prit bien vite note de ce fait grave. « J'ai des chapeaux pour les vendre, » expliqua le chapelier. « Aucun de ces chapeaux n'est vraiment mien. Je suis chapelier. » À ces mots, la reine, qui n'avait pas encore bougé, mit ses lunettes et considéra avec beaucoup d'attention le pauvre chapelier. Celui-ci devint alors tout pâle et se mit à trembler de tous ses membres. « Faites votre déposition, » dit le roi, « et ne soyez pas si agité ou je vous fais couper la tête séance tenante. » Ces paroles n'étaient pas de nature à calmer le témoin, qui trembla un peu plus fort encore. Dans son trouble, ce malheureux mordit sa tasse et en détacha un gros morceau, croyant croquer dans sa tartine. Au même moment où le chapelier commettait cette étrange erreur, Alice éprouva une sensation bizarre et s'aperçut qu'elle grandissait, grandissait à vue d'œil. « Je vous prie de ne pas grandir comme ça, » lui dit le Loir qui était à côté d'elle. « Il n'y a déjà pas trop d'air ici et vous allez remplir la salle. »« Que voulez-vous que j'y fasse ?» répondit Alice. « Je grandis, ce n'est pas de ma faute. »« Vous n'avez pas le droit de grandir ici, » dit le Loir. « Ne dites pas de bêtises, » protesta Alice. « Est-ce que vous ne grandissez pas vous aussi ?»« Oui. » « Mais je grandis et je grossis d'une façon raisonnable, » dit le Loir, « pas ridiculement comme vous. » Et il se leva avec humeur et changea de place. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas cessé de fixer l'infortuné chapelier et à la fin elle prononça « Huissier !» « Apportez-moi donc la liste des chanteurs du dernier concert !» Alors le chapelier se prit à trembler si fort, sautant sur un pied puis sur l'autre, qu'il en perdit ses souliers. « Faites votre déposition !» répéta le roi avec colère, « ou bien votre tête va y passer !»« Je suis un pauvre homme !» commença le chapelier d'une voix émue. « Je n'avais pas encore pris mon thé !» L'autre semaine, et les tartines de beurre étaient si minces, et la bonté du thé... « La bonté de qui ?» fit le roi. « Il y a thé dans bonté, il y a du bon thé dans bonté, et il y a bonté dans du bon thé, » bredouilla le chapelier de plus en plus troublé. « Ah ça, vous moquez-vous de moi ?» s'écria le roi. « Je suis un pauvre homme, » continua le chapelier. « Bref, le lièvre de Mars dit « Ce n'est pas vrai !» interrompit le lièvre de Mars. « Si, c'est vrai !» répliqua le chapelier. « Je le nie !» cria le lièvre. « Il le nie !» conclut le roi. « Laissons donc cette question !»« Eh bien, en tout cas !» continua le chapelier. Le Loir dit, et il se tourna discrètement du côté du Loir, pour voir si celui-ci n'allait pas nier à son tour. Mais le Loir ne broncha pas, car il était profondément endormi. « Oui, tout de suite après cet événement, » reprit le chapelier, « comme je coupais encore une tartine. Mais quel événement ? Et que dit le Loir ? Questionna l'un des jurés. « Je ne puis me le rappeler, » avoua le chapelier. Il faut vous le rappeler, observa le roi. Autrement, la tête coupée. Le pauvre homme laissa tomber sa tasse et sa tartine et mit un genou en terre. « Je suis votre humble serviteur, majesté, » gémit-il. « Vous êtes surtout un bien triste orateur, » dit le roi. Ici, un des deux cochons d'Inde, qui se trouvait parmi l'assemblée, se mit à applaudir frénétiquement. Il fut immédiatement étouffé par les huissiers, c'est-à-dire que les huissiers le mirent dans un sac, serrèrent les cordons de ce sac et s'assirent dessus. « Voilà une chose que je suis bien contente d'avoir vue, » pensa Alice. « J'ai souvent lu dans les journaux, à la fin des comptes rendus de procès, il y eut quelques tentatives d'applaudissements qui furent aussitôt étouffées par les huissiers. Je saurai désormais ce que cela signifie. » Cependant, le roi dit au chapelier, « Si c'est tout ce que vous avez à déclarer, « vous pouvez descendre. »« Mais, sire, » dit le chapelier, « comment descendrai-je, puisque je ne suis pas monté? Je suis à même le plancher de la salle, voyez. »« Alors vous pouvez vous asseoir, » rectifia le roi. Ici, l'autre cochon d'Inde applaudit à son tour et fut étouffé tout comme le premier. « Allons, » pensa Alice. « Maintenant qu'il n'y a plus de cochon d'Inde dans la salle, ça va peut-être mieux marcher. »« Je vais aller plutôt finir mon thé à la maison, » dit le chapelier en jetant un regard inquiet du côté de la reine, occupée à parcourir la liste des chanteurs. « Si vous voulez, » dit le roi. Et le chapelier quitta le tribunal avec une telle précipitation qu'il ne prit même pas le temps de remettre ses souliers. « Courez après cet homme et coupez-lui la tête !» s'écria soudain la reine. Mais le chapelier était déjà loin. « Introduisez le deuxième témoin !» ordonna le roi. C'était la cuisinière de la duchesse. Elle parut tenant dans sa main droite une boîte à poivre. Tous les gens près de qui elle passa éternuèrent à qui mieux mieux. « Faites votre déposition !» dit le roi. « Je ne la ferai pas !» déclara sans se troubler la cuisinière. Le roi regarda avec inquiétude le lapin blanc qui dit à voix basse « Votre Majesté doit interroger ce témoin contradictoirement. »« Allons, il faut ce qu'il faut !» murmura le roi avec philosophie. Et après avoir croisé ses bras sur sa poitrine et froncé les sourcils si fort qu'on ne vit bientôt plus ses yeux, il prononça gravement « « Avec quoi sont faits ces gâteaux ?»« Avec du poivre, notamment, » répondit la cuisinière. « Et de la mélasse, » fit une voix tout ensommeillée qui parut sortir de l'assemblée. « Qu'on arrête ce loir !» hurla la reine en fureur. « Qu'on coupe le cou à ce loir, qu'on le chasse du tribunal, qu'on l'étouffe, qu'on le pince, qu'on lui arrache les moustaches !» Le désordre le plus effrayant régna alors dans l'assemblée. Tout le monde criait, gesticulait, et l'on avait bien de la peine à entraîner le loir qui se cramponnait au pupitre et aux barres du tribunal. Lorsque l'ordre fut rétabli, on s'aperçut que, dans la cohue, la cuisinière avait disparu. « Tant pis, » dit le roi, non sans un air de profond regret. « Qu'on appelle le témoin suivant. » Et il ajouta à voix basse, parlant à la reine, « Vraiment, ma chère, vous seriez bien aimable d'entendre contradictoirement le troisième témoin, car je commence à avoir un mal de tête fou. » Alice regardait le lapin blanc, tandis que celui-ci cherchait à s'y reconnaître dans sa liste de témoins, et elle se demandait quel était celui qui allait être appelé. « Car, pensait la petite fille, jusqu'ici, il n'y a pas eu encore de déposition bien intéressante. » Je vous laisse à imaginer la surprise de notre amie Alice quand, le lapin blanc s'étant levé, elle l'entendit appeler « Troisième témoin, mademoiselle Alice, comparaissez !»